Encore mieux, une série de lectures proposée par France Culture et le Théâtre du Rond-Point. Texte d'André Frédéric, choisi par Jean-Michel Ribes, lu par Grégory Gadebois et Chantal Neuwirth. Enregistré en public au Théâtre du Rond-Point à Paris le 19 juin 2015. Curriculum vitae à Gaston Bonheur. En réponse à votre demande de curriculum vitae, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous adresser la liste de mes spécialités. Je pratique professionnellement la calligraphie dite à l'anglaise, ayant servi au greffe du tribunal de Meaux. Je puis faire des tracés à main levée, de toutes sortes, comme terrain, perspective et vue d'ensemble. En outre, je dois vous apprendre que le semi de gazon pour le lawn tennis m'a valu des félicitations des plus grands joueurs hollandais. Nul doute que m'ayant vu repiquer la chicorée améliorée et le chou cœur de bœuf, vous ne balanciez plus pour m'envoyer sur vos terres. L'hiver, je me fais fort de vous monter au pied levé, une musette étant accordéoniste né. Cela dans une salle décorée par mes soins, à la fresque, sauf s'il s'agit d'un local à plafond en voûte, ayant encore à compléter mes connaissances sur les arcs et soubassements. Je chante agréablement les airs d'opéra tant italiens que français, sans préjudice pour les duos comiques si une dame assez forte veut bien me donner la réplique. Je ne conduis pas mal ces sortes d'orchestres qui ne sont pas réellement symphoniques et que la coutume appelle de brasserie. Et au besoin, je compose des marches solennelles, des entrées, des airs de ballet, des concertinos pour pistons et des romances légères. Il ne faut pas me demander la ballade, qui n'est pas de mon ressort, ni la saltarelle, dont le rythme m'embrouille. Mais pour la polka piquée, il faudrait chercher loin pour trouver mon maître. Je déménage les pianos fortés sans le secours d'autre échine que la mienne. Monte les étages avec deux crapauds, accorde les harpes, démonte et remonte une clarinette basse, confectionne un métronome joué avec 8 boîtes d'allumettes suédoises. J'ajoute que ma compétence s'étend à tout meuble et ustensile de bois, ainsi qu'aux appareils de ménage non horlogers. À ces dons déjà remarquables, je joins la faculté de double vue, qui rend les plus grands services à ceux qui m'emploient. Je simule l'épilepsie, la catatonie et le feu de Saint-Pierre, et peut donner à ce sujet de précieux renseignements pour ceux qui veulent sans danger éviter les tracas du service militaire. Soins. Subitement, sous l'œil, une cloque se forme. On presse, et y sort quelque oiseau ou quelque poisson. Ou encore, au bout du bras tendu qui durcit, des branches souples s'évadent, cinglant, ainsi que le ferait des joncs, votre propre visage. La détente est extrêmement rapide. Voilà ce que j'ai eu à guérir au Japon. Et ce ne sont là que complications de bronchites mal soignées, des bricoles. Je n'ai pas redonné leurs deux yeux aux aveugles, mais je les ai rendus borgnes. Avec le traitement que je fais aux sourds, ils entendent quelques lettres, une dizaine, qui leur servent de point de repère. C'est d'abord le son T qui sort, puis le son F, douloureux au début contre la paroi du crâne. Les mots sont donc entendus pour eux en partie très hachés, et les phrases à la longue, l'habitude aidant, finissent par s'éclairer. J'ai encore beaucoup de soucis avec les diphtongues qui sortent mal ou demeurent complètement muettes. Mes parents et amis prévenus, s'ils conversent avec eux, savent n'en pas abuser. Il y a aussi ceux que je ressuscite. Quelle gêne dans leurs yeux d'avoir été vus morts. Et leurs pauvres réponses aux questions qu'on leur pose sur l'au-delà. Ils en sortent avec une grande déception. Peut-être de revenir, ou de ce qu'ils ont observé de l'autre côté. On ne sait, tant ils se dérobent. L'un d'eux, plus loquace, ne parle que de draps tendus, de trous, de mailles, de blancheur, d'arabesques. Le prêtre y voit une description naïve du paradis. Mais La toile qui le recouvrait sur son lit de mort était ornée de dentelles. Alors, le bœuf à Suzanne Loire. Bon, me voilà bœuf. Des cornes m'ont poussé, puis une queue. Je repose à terre par quatre pattes, et je vous prie de croire qu'il y a dans cette poitrine une force à tirer une charrue. Et voilà que les charrues prennent pour moi une importance. C'est comme les sillons. J'aimerais sillonner un champ et que l'on chassât autour de nous les mouches qui nous harcèlent. Mon voisin, l'autre bœuf, c'est un vrai bœuf. Avec un passé de bœuf. Inférieur à moi, peut-être. Mais je fais le bœuf, par délicatesse. Nous marchons droit dans un champ marron sous un ciel large. Plus large que ceux d'hier. Ça doit être les yeux. C'est comme pour les arbres. Je les vois plutôt grands et menaçants même. Je ris en pensant à la tête de ma mère. Après le travail, j'essaye avec maladresse de mettre un vêtement. C'était pourtant le mien avant. Pour le vêtement, c'est encore possible, en forçant les manches, mais le chapeau, les cornes l'entravent. Il est perché là-haut sans vraiment me coiffer. J'essaye de me mettre debout. Je tiens, mais je fatigue. Je rentre à pied à la maison. Je crois qu'on ne me remarque guère. Je sifflote avec naturel. À ces heures-là, les gens ont d'autres choses en tête que dévisager les passants. J'ai sonné. Je n'ai pu voir qui ouvrait. J'ai entendu un cri. Vu une robe noire qui s'agitait. Quelque chose se renversait et puis du blanc, comme le dessous d'une cloche où battaient deux longues jambes sèches. Je partis très vite. Voilà pourquoi il y eut un bœuf à l'enterrement de ma mère. Mariage. À la pensée qu'il pouvait perdre l'orpheline, il la serra très fort dans sa poche. Elle faisait un grand remue-ménage, empêtrée dans ses clés, ses miettes, ses piastres. Le père passa la tête de l'autre côté pour réclamer son tabac. Il lui tapa sur le museau, lui versant en même temps du poivre. Le père éternua, au fond. Dans la petite poche du haut, le général se souleva et salua un coin de la pochette qu'il prit pour le drapeau. Il fouilla dans son gilet pour découvrir le fiancé de l'orpheline, caché entre un concierge et un gendarme. Il avait les yeux verts, une raie au milieu de la tête et un habit brodé bleu de nuit. Après l'avoir essuyé à son revers, il le déposa où était l'orpheline. Puis, de son pantalon, il tira un prêtre. On avait dit au vicaire, tout à fait par hasard, « Vous devriez faire de la poésie. » Et le vicaire avait composé un poème, entre autres, dont les deux premiers vers étaient « J'aime la bonne soupe, le soir après les vêpres. » Il le montra au curé qui lui dit « Pour la première fois, ce n'est pas mal cette histoire de soupe. » Mais ça ne rime pas, et ça n'a pas de rythme. À mon avis, si vous n'alliez pas si souvent à la ligne, ce serait de la prose. Et le vicaire concéda qu'il pourrait introduire quelques coupes, une coupe de vin. Ça n'est pas déplacé dans un bon repas, et ça rime avec soupe. C'est ennuyeux pour les vêpres, dit-il. Je ne vois que cep, mais il manque un R. Est-ce permis? Ou alors lèpre? Mais comment introduire ce mot dans un morceau si joyeux? Voyez-vous, fit le curé, c'est là la difficulté de la poésie. Et le vicaire, haussant les épaules, conclut « Ouf, c'est un genre faux !» et n'en écrivit plus jamais d'autre. L'art poétique. Non, je n'aime pas les alexandrins, non. mes vers très ordinaires, combien je vous préfère. Vers à la flanc, vers de travers, vers mal foutu et vers moulu, vers sans verve, tout nu, jeu de langue indomptable, rythme mou par-dessous la cheville, ou dur avec des dessous confortables, et des ressacs, des mascarades, des retours, vers retors et plats et faux, mais beaux vers du dehors, sans moulure ou dorure, ou feston d'escarbot. Vers comme en faisait Saint-Amand dans ses très bons mauvais moments. Vers de village, vers mal tourné du cordonnier, poète à ses heures, mais qui tiennent bien aux pieds. Vers de verveine du poulailler, pas du gros vers pour phonographe, aligné en long paragraphe. Vers emmerdant, en régiment, tondeuse triple zéro, vous me rasez jusqu'au cerveau. Je veux le vert en cheveux verts, c'est l'algue rouge au fond amer, pas les sonnets et les sonnailles, mais vers de verre et vers de paille. Pas les versets, pas les vernis, pas les vertus ni les vertiges, pas les vers de l'académie, des inscriptions et belles tiges, mais vers amis, bons copains de la langue, et des lèvres, vers que l'on dit, qui rafraîchit, vers fondant comme neige, velous comme vieux vin de pays. Cyclisme, à Jean Carmet. L'archevêque était jaloux du curé. Le curé avait une bicyclette. Parfois il roulait, lâchant son guidon pour lire son livre de messe. L'archevêque le voyait passer tout noir sur ses roues d'acier devant sa fenêtre, tantôt sifflant, tantôt souriant, grisé de vitesse. Il cornait avant le tournant. Quelquefois, si une noix barrait le chemin, il sonnait avec un timbre placé devant le frein. Le soir, au retour, il croisait des camions lourdement chargés ou d'autres qu'il fallait dépasser, qui remontaient vers la ville. C'était le gros klaxon qui marchait sur le côté droit du guidon, à côté de la petite trompe. Quand il faisait beau sur la route le dimanche, les jeunes carmélites s'en revenaient par quatre ou cinq en chantant. Le curé les dépassait en les prévenant au moyen d'un grelot attaché sur la selle. Pour les encombrements, les foules, les obstacles imprévus, une sirène magnétique fixée au milieu du guidon communiquait à sa pédale gauche. Il avait d'autres accessoires de secours. Des trompes marines, une sorte de petit corps qu'il portait sur l'épaule. Et même sur la tête, au-dessus de son chapeau rond, une grande batterie de cuivre avec deux maillotches feutrées dont il ne se servait que rarement, très rarement, pour faire envie à l'archevêque. La goutte. Tous les jours, il meurt des montagnes. Des mers s'endorment, des arbres se déprennent de leurs feuilles, des oiseaux sont foudroyés par le glaive des nuits, des rats pourrissent dans des fromages de tête, des têtes tombent dans des sacs de cuir, des vaches regardent les derniers aéroplanes s'envoler du crâne chauve des savants, des grosses dames tombent en pluie dans les lits des célibataires. Mais rien ne vient plus des belles gouttes lumineuses au bout de la potence du nez. Je ne comprends plus. L'orage au loin est un chat. La pluie, un champ de blé qui tombe cul par-dessus tête avec des étoiles pleines de paille. Le soleil, une grosse pendule en papier qui sonne midi à chaque seconde. Le temps se mâche et colle aux dents. Les petites maisons que tu dessines avec un toit pointu qui dévore les arbres font un combat de coq devant l'église. Et les gens ont l'air tout nus. Ce sont des ombres sans pieds qui glissent sur des moignons dans les rues du village. Les plus vieux ont la couleur du soufre et l'odeur des nèfles séchées. D'autres, qui sont plutôt des nains que des enfants, après avoir sauté de leur bouche, courent dans la prairie et se figent. Un coquelicot, un bouquet de bleuets, où la bouse d'une vieille femme demeure à leur place. Tu fais des fumées au-dessus des tombes, comme si les morts avaient du feu. Tu mêles les couleurs de la suie et de la tulipe broyée dans un mortier pour salir les joues de tes cruelles servantes éperdues d'amour, et tes vaches s'enfoncent dans la terre sous le poids de plomb des pies jusqu'à ce que les cornes seules dépassent pour fleurir en juillet de lampions malades. Je ne comprends plus la campagne de la terre depuis que tu nous as donné le vrai monde pour rien. Réception. Vous voyez tous ces boutons, me dit le chef. Celui-là, le bleu sur la gauche. Quand le ministre entrera, vous appuierez dessus. La Marseillaise éclatera. La musique terminée, vous presserez sur le bouton vert pour les acclamations, viva et bravo. Et avec prudence, une prudence infinie, une légère pression à peine esquissée sur le bouton rouge vous donnera quelques cris hostiles pour la vraisemblance. Le bouton noir, si vous appuyez légèrement dessus, comme ça, retirera le chapeau du ministre et son par-dessus. Puis, un effleurement sur le bouton blanc le brossera. À ce moment, n'oubliez pas le bouton gris, amenant le fauteuil juste sous le séant du ministre. Un coup, un seul, sur le bouton rose, et le ministre s'assoira. Vous avez compris ? Ce n'était pas bien difficile. J'inclinai affirmativement la tête. Puis nous allâmes déjeuner, copieusement. De retour devant le tableau de bord, je m'étonnais de l'instabilité des boutons de commande que j'avais quittés une heure avant en parfait repos. Tout dansait sous mes yeux. Essayant de me remémorer les instructions du chef, je m'entraînais à poser les doigts sur chacun des boutons dans l'ordre indiqué. Mais par un curieux phénomène, visant l'un, c'était l'autre que j'atteignais. L'heure de commencer sonna. L'entrée du ministre, je ne sais pourquoi, fut saluée par une bordée d'injures grossières et de coups de sifflet. Quelques coups de feu furent tirés, je crois m'en souvenir. Une Marseillaise à peine murmurée essayait vainement de se faire entendre du fond de la salle. Du banc des notabilités ecclésiastiques, les jurons les plus gras semblaient sortir. Quelques bons coups de brosse eurent vite raison de la fureur du ministre, qui vint s'affaisser complètement au pied des tribunes, sous le poids du fauteuil, tandis que la brosse s'acharnait sur lui. Alors qu'il gémissait lentement, dans un style impeccable, une machine le débarrassa de son chapeau et de tous ses vêtements. L'enfant boudeur, à Léon Claudel. Veux-tu jouer à la pirouelle ? À la redouble, au rat musqué? Veux-tu jouer à la sauguette, au goligode, aux hippomblés? Veux-tu jouer au jeu de l'ange, à l'œil au dos, au mort parlant? Veux-tu jouer à cache-mésange, à moutonbelle, à bail au vent? Veux-tu jouer à croque-au-sel, au déserteur, à la logorée? Veux-tu jouer à l'espincelle, à tête d'or, aux estropiés? Veux-tu jouer au jeu de l'ombre, sur le mur blanc, les mains croisées? Veux-tu jouer à compter le nombre des poissons-chats dans l'océan? Veux-tu jouer à la marolle, au cervelas, au pince-joue, au tirelat, au caviar, à poisse dudule, au mirliton dans la pendule, à la lutte jaune, au ramago, à pucer grand-mère dans les lavabos, à pince-mi et pince-moi en bateau, à la paire royale, au souci de sincérité, à la chaude merotte, au jeu des abbés, à déformer le nom des ministres du culte, au chapeau du jurisconsulte, aux protes, aux touches zizi, à la veule, au cornac, à la pinacothèque, à la petite marchande de canon, aux frotteurs de parquet, champions de bridge plafond, aux troumes, aux solitaires, à conazor, à la soutane, à la peau de cochon, au dieu frouda, au jeu des gâteaux, à Madame Room, à l'officier prussien, à le conaz, au bugle, à l'enfant naturel, au knout, au saladier? Non, j'aime mieux étudier. Oh. Chose du soir. Le coup partit du petit massif, comme une masse, contre la haie. En face, cela répondit tout droit, sec et ramassé. Puis des cloches. Une branche cassée tomba dans le bassin, fit gicler l'eau. Derrière, sans lenteur, cela cogna contre les persiennes. Elles battirent trois fois contre le lierre qui craqua sous le poids des tuiles, des gravats. Des seaux de ciment valsèrent, lancés du jardin, s'écrasant ça et là. Quelques pierres répondirent. Et le silence se chargea de travaux secrets. La haie bougea la première. Une suite de petits plombs rapides allèrent frapper les carreaux. De l'autre côté, on lâcha le charbon en pluie lourde sur les futaies. Des oranges sèches ripostèrent. Sans attendre, ce furent des clous, des ciseaux, des hallebardes. Ces dernières, maniées sans grâce, allant se ficher sur les premiers troncs, ne dépassèrent pas la petite allée, non sans faire fuir les oiseaux. Les oiseaux furent vengés. Il y avait des statuettes de bronze. On dut recevoir les sujets, puis les socles. Après, la rage s'éteignit, fatiguée. Et la nuit qui tombait aussi sur le jardin en désordre, y était pour quelque chose. Honneur. Comme il venait d'être élu pape, une grande fierté l'envahit. Il oublia ses amis du petit café, les joueurs de manille, les joueurs de boules, les garçons et même la fille à l'ombrelle. Parfois, sollicitant une audience, un des vieux arrivait, après avoir traversé d'immenses salles vides dont le parquet reflétait son corps, jusqu'à son trône doré, cachant dans sa poche un vieux jeu de cartes qu'il sortait humblement pour lui rappeler le passé. Mais lui, sonnait ses hallebardiers qui jetaient dehors l'importun. Contre les grilles, lorsqu'en brocart d'or et d'argent, il descendait dans son parc, porté sur sa chaise pour méditer pieusement, la fille à l'ombrelle venait s'écraser le visage pour le voir passer au loin. Parmi l'encens, le bruit des orgues au-dessous d'un ciel toujours pur, et de là, agitait son mouchoir, comme au départ d'un petit bateau. Bien loin, bien loin. Réalisme. Mes pièces de théâtre n'ont pas le succès qu'il conviendrait. Je mets en scène la vie même. Je suis un auteur réaliste. Je n'ai plus guère de spectateurs. Je ne m'en plains pas, au contraire. Pour assister à mes dernières recherches. Aussi, je ne me prive pas de faire représenter des catastrophes, ne craignant pas la dépense. Pour une pièce, j'ai besoin d'un combat. On s'y bat vraiment. Et je n'hésite pas pour 5 ou 6 tués, sans compter les blessures. Pris par l'action, mes comédiens continuent à se battre dans les coulisses. Je les encourage de la voix, courant à travers la scène, parmi les décors. Un vrai carnage. C'était Encore mieux, une série de lectures proposée par le Théâtre du Rond-Point à Paris et France Culture. Enregistrée en public le 19 juin 2015 au Théâtre du Rond-Point. Texte choisi par Jean-Michel Ribes, extrait de Non-lieu d'André Frédéric, paru aux éditions Plasma. Et Histoire blanche, du même auteur, paru aux éditions Plasma, puis aux éditions du Cherche Midi. Lue par Grégory Gadebois et Chantal Neuwirth. Équipe technique, Bernard Legac et Delphine Baudet. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Remerciements à Yann Quedlot et à toute l'équipe du Théâtre du Rond-Point.